Chapitre 3e. Après avoir embrassé sa mère, sa sœur et son beau-frère et baisé galamment la blanche main de Madame Delville, Démosthène entra dans le salon très faiblement éclairé. Il aperçut Thérèse plutôt qu'il ne la vit. Il la baisa au front d'un air distrait, comme une aimable enfant dont sa mère lui avait souvent parlé dans ses lettres. La jeune fille tressaillit sous ce premier baiser donné froidement, mais reçu par elle avec une émotion virginale et brûlante. Elle resta quelques instants recueillie, les paupières baissées, comme si elle eût craint qu'un regard fît évanouir l'ineffable bonheur qu'elle venait d'éprouver. Enfin, elle se décida à regarder Démosthène. Ce premier coup d'œil fut un désenchantement. Elle le trouva vieux et laid, mais il parla, et le son de sa voix la charma. Cet accent parisien si doux, si correct, en contraste avec le mauvais français criard et discordant qu'elle entendait chaque jour, lui parut une harmonieuse musique. Il parla de Paris, de ses monuments, de ses orateurs, de ses artistes, de ses littérateurs célèbres. Il cita des vers des poètes en vogue qu'il connaissait tous, disait-il. Il se vantait, il mentait, il produisait un grand effet. Thérèse l'écoutait avec ravissement. Il s'exprimait d'une manière fort ordinaire, mais les choses qu'il racontait avaient un attrait de puissante curiosité pour la jeune fille. Elle restait silencieuse et charmée, tandis que Madame Delville, sémillante et coquette, questionnait Démosthène, le complimentait, s'occupait sans cesse de lui et le forçait à s'occuper d'elle. Pour la première fois, Thérèse souffrait de l'irritante coquetterie de sa sœur. Sa candeur en était révoltée. Que voulait Madame Delville? Dans quel but exciter l'attention de Démosthène et provoquer sa galanterie? Elle, du moins, elle était libre, elle pouvait l'aimer. Et en pensant ainsi, elle sentit une sorte de mépris pour sa sœur. Durant toute la soirée, Démosthène avait à peine regardé une ou deux fois la jeune fille. Elle lui avait paru fort belle, mais il la jugea très sotte, car plus occupée à l'écouter qu'à se montrer elle-même, elle avait gardé un strict silence. Retirée dans sa chambre, Thérèse pleura. « Il est noble, instruit, distingué, pensa-t-elle. Je l'aime, mais il ne m'aime pas. Il aime ma sœur. » Et elle se sentit jalouse.